Il avait cru reconnaître la voix d'Arnoux, avait aperçu un chapeau de femme, et il s'était enfoncé bien vite dans le bosquet à côté. Mademoiselle Vadenas se trouvait seule avec Arnoux. « Excusez-moi, je vous dérange. »« Pas le moins du monde, » reprit le marchand. Frédéric, au dernier mot de leur conversation, comprit qu'il était accouru à l'Alhambra pour entretenir Mademoiselle Vadenas d'une affaire urgente. Et sans doute, Arnoux n'était pas complètement rassuré, car il lui dit d'un air inquiet. « Vous êtes bien sûr ?»« Très sûr. On vous aime. » « Ah, quel homme !» Et elle lui faisait la moue, en avançant ses grosses lèvres, presque sanguinolentes, à force d'être rouges. Mais elle avait d'admirables yeux, fauves, avec des points d'or dans les prunelles, tout pleins d'esprit, d'amour et de sensualité. Ils éclairaient, comme des lampes, le teint un peu jaune de sa figure maigre. Arnoux semblait jouir de ses rébuffades. Il se pencha de son côté en lui disant « Vous êtes gentil, embrassez-moi. » Elle le prit par les deux oreilles et le baisa sur le front. À ce moment, les danses s'arrêtèrent, et, à la place du chef d'orchestre, parut un beau jeune homme, trop gras et d'une blancheur de cire. Il avait de longs cheveux noirs, disposés à la manière du Christ, un gilet de velours azur à grandes palmes d'or, l'air orgueilleux comme un paon, bête comme un dindon. Et quand il eut salué le public, il entama une chansonnette. C'était un villageois, narrant lui-même son voyage dans la capitale. L'artiste parlait bas normand, faisait l'homme sou. Le refrain « Ah, j'ai tiré dans ce gueusard de Paris !» soulevait des trépignements d'enthousiasme. Delmas, entre guillemets chanteur expressif, était trop malin pour le laisser refroidir. On lui passa vivement une guitare et il gémit une romance intitulée « Le frère de l'Albanaise ». Les paroles rappelèrent à Frédéric celle que chantait l'homme en haillon entre les tambours du bateau. Ses yeux s'attachaient involontairement sur le bas de la robe étalée devant lui. Après chaque couplet, il y avait une longue pause et le souffle du vent dans les arbres ressemblait au bruit des ondes.